Mars attaque. Ou les cinq jours qui ébranlèrent le salon du livre. Un feuilleton d'Iris Dreyer. En direct du studio 111. Premier épisode. Voici arrivé le moment décisif de l'année. Il y a 3 ans, souvenez-vous, nous avions traversé ensemble la rentrée littéraire. Une rentrée très particulière, avec le Goncourt surprise de Jean-Pierre Peuchère et les violences sur écrivain de Stanislas Norvid, qui s'attendait à ce prix et obtint à la place 3 ans et demi de prison pour avoir frappé la malheureuse Maria Mellet. Mais le voici en liberté, et à nouveau auteur à succès, avec son « Septembre rouge », qui raconte sa vie carcérale, ses ateliers d'écriture en prison et ses amours. Nous avons connu les événements de novembre auxquels nous n'avons encore rien compris. Puis il y eut la trêve des confiseurs, qui cette année a profité plus que de coutume aux libraires de proximité. On s'achète aussi des livres pour essayer de comprendre. Janvier, le blanc, le ski, la crise. Maintenant, le printemps se faufile, et avec lui, le temps des salons. Salon de l'étudiant, salon marjolaine des produits bio, et enfin, salon du livre. Nous sommes le 16 mars 2016. Une journée à risque, car l'époque est déraisonnable, comme dirait Jean-Pierre Peuchère. Il est 9h du matin. Dans son bureau des éditions du Bac, Julien Després, le patron, ouvre son courrier et découvre la catastrophe. Oh là là là là. Un référé sur le livre à scandale et à succès de Stanislas Norvid, Septembre rouge. Il manquait plus que ça. Un référé. Ça fait 3 mois que le livre de Stan est en librairie, ça roule calmement, genre autoroute bretonne, et voilà ce qui nous tombe dessus. Pile le jour de l'inauguration du Salon du Livre. Quel métier! Comment j'ai pu croire qu'il s'agirait de lire des livres, de les protéger, de défendre de timides et profonds écrivains, de servir les muses de la littérature, Calliope, Melpomène et Polymnie? Julien, Jean-Pierre Peuchère est là, il voudrait vous parler. Oh. Mais pas longtemps, mais il dit que c'est important. Non, il attendra, Marianne, il attendra. C'est un poète, un homme patient. Vous lui servez un café, vous lui donnez un journal, vous lui dites ce que vous voulez. Okay. Allô, Stan? Ah, je te réveille. Tu n'as pas ouvert ton courrier, je suppose. Bon, je te lis la lettre qu'on a reçue, tous les deux. C'est un référé, très amusant, relatif à Septembre rouge. Oui, je te le lis. Pour Madame Bianca Mars, née le 16 mars 1986, ah, c'est son anniversaire, résidant à Montréal, Québec, 2412 rue Saint-Denis, ayant pour avocat Maître Christian Dreyfus, assigne jusqu'à ce que justice soit rendue Monsieur Stanislas Norvid, né le 16 mars 1971, ah bah tiens, c'est son... pour plagiat et atteinte à la vie privée, exprimée dans son ouvrage Septembre rouge, où des dizaines de pages, oui, des dizaines de pages de la correspondance de ma cliente ont été utilisées à des fins lucratives et mensongères, etc., etc., en demande l'immédiate saisie sous peine d'astreinte. Ah, oui, tu viens tout de suite. Bah oui, mon vieux. Tu prends une douche et hop, hein. Anne-Sophie, j'ai besoin de vous, là, tout de suite, là. Oh là là. Oh là là, Julien, petite mine pour un grand jour. Mm. What happens? Le foie, hein. Mm. Vous avez bien pris le démonium Ascendance dont je vous avais parlé. Non, mais... regardez, ça, c'est une folle. Elle dit que Stan lui a volé ses lettres et les a recopiées dans son livre. La visiteuse de la prison, c'est elle, la pulpeuse Gloria. Voyez? Tenez, lisez. Oh là là, j'aime pas lire ces trucs juridiques, j'y comprends rien. C'est fait pour qu'une poule n'y retrouve pas ses petits. Remarquez, remarquez. Oh, oh, oh, c'est rigolo, elle attaque dur. Oh, oh, oh, c'est hard, dites donc. Ça, ça va relancer les ventes. Il a un bol de cocus Stan, juste le jour de l'ouverture du salon. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Génial, génial. J'adore. Oh, on va bien s'amuser. C'est mieux que des affiches de Musso 4x3 dans le métro et des culs de bus de Dormesson, et sûrement moins cher. J'appelle Patrick Cohen. Je tweete. Je branche Léa Salamé. Non, du calme. Je vous rappelle, Anso, qu'on ne dit plus salon du livre. C'est du passé, ça. Hein, on dit Paris livre, parce que c'est Paris qui fait vendre aujourd'hui. Le mot Paris. Enfin, ça, c'était avant les attentats, mais bref, pas le mot « salon ». Je vous lis leur communiqué. Ah. Un 36e salon du livre, rénové et désormais rebaptisé Paris Livre, qui propose une scénographie entièrement repensée et une programmation innovante et festive, destinée à attirer des publics jeunes, grâce à une atmosphère qui se propose d'éveiller leurs émotions et leurs sens. Ils vont être servis, les publics jeunes. On va leur en mettre plein les yeux de l'atmosphère. Vous avez vu notre journal, notre stand, Julien. Ça réveille les sens, à coup sûr. Je descends à la presse pour voir si ça bouge. Pour mon dernier salon, je veux dire mon dernier Paris Livre, ouais, ouais. Ça va chauffer. Merci le Québec Libre. Ah oui, Jean-Pierre, comment ça va? Oui, oui, moi j'ai une petite mine, ne me dis rien. Dis donc, tu as l'air inquiet. Un café? J'en ai déjà bu 3. Il n'est pas très bon d'ailleurs. Vous n'avez pas des cafards dans la machine? Tu sais que ça arrive. Des cafards? Vous devriez... Bref, c'est à cause de mon ciel de traîne. Je suis embêté. Encore? Enfin, pardon, je veux dire... Non, raconte. Tu sais, la BD est parue. J'étais fou de joie. Une BD, c'est la gloire. Presque autant qu'un livre, qu'un film. Une adaptation. Bref, les éditions Phylactère m'ont pas fait un pont d'or, comme tu sais, mais j'étais confiant. Le jeune dessinateur avait l'air de tellement aimer mon livre. C'est un débutant, mais justement, la jeunesse et mon expérience avec le Goncourt en plus... Je t'ai connu plus direct. Pardon? Non, excuse-moi, JP. Anso et Agnès ont dû te dire, j'ai un peu mal au foie. Je prends du desiminum, enfin, je veux dire, du démodium. Mais ça me fait rien. Et puis le salon, enfin, je veux dire, Paris livre. Mars, c'est toujours délicat. Intersaison, tu vois. Bref... Je ne comprends rien à ce que tu me dis. Phylactère te fait une BD, elle sort pour le salon, enfin, je veux dire Paris Livre. Si Donny Welbeck t'adore, c'est quand même elle qui a créé Phylactère avec l'argent prêté par son oncle. Bref, JP, vraiment, là, je n'ai pas assez d'imagination ni d'empathie pour piger ce qui te tracasse. C'est une histoire de pastille. What? Chez Phylactère, le service commercial a collé une pastille sur mon ciel de traîne. Énorme, une pastille de la taille d'une roue de chariot. Une pastille rouge, en lettres dorées, avec écrit en rond, par l'auteur de Mirlouchon, le nain sans visage. C'est qui ça, Mirlouchon, l'homme invisible? C'est un nain inventé par l'illustrateur. Tu vois, le genre chapeau de feutrine, chemise à jabot et poulaine médiévale en peau de lapin. Johan et Pierre-Louis, version 2016. Johan et Pierre-Louis? Oh, laisse tomber. Tu crois que tu peux demander à Sidonie de virer les pastilles? Tu le demanderais comme ça, par respect pour les éditions du bac. Tu vois le truc entre confrères? C'est vexant pour moi, quoi. C'est humiliant, même. Mais pour vous aussi, humiliant. J'ai lu Goncourt, quand même. Pardon. On l'a eu. Je l'ai eu ou je l'ai pas eu? On dirait que parce que c'est moi, brusquement, le Goncourt ne vaut plus rien. S'il doit y avoir une pastille, c'est moi l'auteur, non? Une pastille avec marqué Goncourt, ce serait moche, mais utile, à la rigueur. Ça ferait vendre. Oh, vendre d'expérience, je crois pas, tu vois. Le Goncourt, c'est plus comme avant. Ça a eu payé. Comment tu peux t'intéresser à une pastille? Non, mais tu te rends compte. Le monde a changé, et toi... Apparemment, je change aussi. Tu les appelles ou il faut que je le fasse moi-même? Je vais botter le cul de ce petit prétentieux de gribouilleur. La BD, c'est bien, mais il faudrait voir à ce qu'il reste à leur place, les faiseurs de bulles. 11 h, l'heure d'ouverture de Paris Livre se rapproche. Inauguration à 16 h avec un président, des ministres, l'ambassadrice du pays invité, la Corée, et des milliers d'invités en tout genre, qui sont actuellement chez le coiffeur, chez le teinturier, ou bien en train de pointer leurs commandes de livres, de visser les derniers poteaux et de coller les derniers posters de leur stand. Le chiffre 16 est sacré en Corée. 16 mars à 16 h, tout a été pensé, et bien pensé. Dans le bureau des éditions du Bac, Julien Després s'est fait apporter une boîte de démodium et un pack de bouteilles d'épargne. Il boit consciencieusement en feuilletant le référé. Salut Julien, c'est la guerre ou quoi? Je travaille la nuit, je te rappelle. Hein. Mon nouveau livre, je te soupçonne de souhaiter que je le finisse jamais, c'est pas possible. Les convocations aux aurores en plein hiver, c'est pas très bon pour l'inspiration. Arrête Stanislas, hein, c'est sérieux là. Elle t'accuse d'avoir recopié des dizaines de ses lettres et de les avoir attribuées au personnage de la visiteuse de ton livre. Des pages entières. Tiens, regarde la liste en annexe. Le quart de ton livre serait des citations de cette personne. Rassure-moi tout de suite, dis-moi que c'est faux. Maître Morand est très inquiet. Ouais, enfin, le jour où Maître Morand sera pas inquiet, les poulots ont des dents, hein, où je serai chef d'escadrille au choix. Tu sais bien que tous les grands succès engendrent leur lot de plaintes, hein, leur accusation de plagiat, c'est à chaque fois la même chose. Maître Morand a pu se payer un deuxième pur sang rien qu'avec les honoraires de ses plaidoiries pour la maison, c'est toi-même qui me l'as dit quand même. Hein. Dans ton livre, elle s'appelle comment déjà? Gloria Avril, c'est ça? Dis donc, tu t'es pas foulé, hein. Gloria Avril au lieu de Bianca Mars. Mais Julien, tu me fais de la peine. D'ailleurs, je crois pas que tu penses ce que tu dis. Ou alors, on connaît jamais personne. Hein. Tant d'années complices et côte à côte pour en arriver là. Tu sais bien l'importance d'un nom, d'un son. Gloria Avril s'appelle comme ça parce qu'elle doit s'appeler comme ça. Elle peut pas s'appeler autrement. Ma serveuse, ma sauveuse, mon ange gardien, mon ange gladiateur, si tu veux. Le livre se nourrit de mots que nous avons échangés. Cette matière s'est transformée en littérature. Oui, ok. Je t'en prie, on n'est pas à la télé, là. On s'en tient aux faits. Bon, cette Bianca, elle bluffe? Elle veut quoi? Mais tous les ateliers que j'ai faits sont devenus des romans, voilà. La menuiserie qu'ils m'ont imposée, les séances de couture obligatoires, les vies de mes compagnons d'infortune, les réveillons de Noël tristes à crever, les détresses des gardiens, la rouille des douches, les odeurs de cantine... C'est vraiment pas le sujet. Tu m'assures que tu as tout transformé? Écoute, la littérature est un fleuve illuminé, les lucioles y prospèrent, les libellules et les crapauds coassent dans la boue. Tout ira bien, j'en suis sûr. Moi, je suis content. Je suis fier. Un référé, c'est la preuve tangible du pouvoir des mots sur la réalité. Donc, tu ne veux pas répondre, Stanislas? De toute façon, on fera vite. L'audience est demain et Maître Morand est en route. Au Récamier, dans le 7e arrondissement. Le restaurant terrasse des éditeurs, des politiques et des stars. Il fait frais, mais certains habitués déjeunent en terrasse, enveloppés dans leur doudoune. On aperçoit François Bayrou, bronzé, escorté d'un garde du corps très pâle. Gad Elmaleh, deux Duhamel et un seul Christophe Barbier. Ma chérie. Trop content de te voir. C'est qui mange avec toi aujourd'hui? Nobody. J'ai un truc à te demander. Je t'offre le soufflet au homard et je viens me jeter à tes pieds. Un livre? Tu veux un livre? Tu pars en vacances? J'ai un dictionnaire amoureux des îles, ça te dit? Les recettes de David Douillet? Bon, je reviens te voir, hein. Je viens tout de suite. Non, je déjeune vite. J'ai manucure avant le salon, je veux dire avant Paris Libre. C'est quoi ça? Je t'expliquerai. Bon, alors moi je t'explique tout de suite. On va faire un prix. Oui, un grand prix littéraire doté de 10 000 euros, tout ça. Il nous faut des jurés, alors j'ai pensé à Stanislas Norvide. Il est le juré idéal, beau, grande gueule, célèbre et tout. Mais il faudrait que tu lui demandes, moi j'ose pas. Et puis après, ce qui lui est arrivé, tu vois, ce serait génial pour le prix Récamier. Si tu savais à quel point. Donc c'est d'accord? Je me permettrai de te faire une suggestion. Oh, merci Clotilde, un soufflé homard et un verre de pommard. Oh, ça c'est la classe. Pourquoi tu prends pas plutôt peu cher? Il connaît des stars, il est frais, nettement plus frais. Il aime lire, lui. Il est beau comme tout. Oui. Je savais que t'allais dire ça, mais il a son Goncourt en plus. Oh là là. Mais nous, on veut Stanislas Norvid. Tu comprends, pour les journaux, c'est mieux. Peu cher. Il est pas drôle, il est triste même. Tu vois, les journalistes l'aiment pas. Comment tu peux dire ça, mon Gégé? Les journalistes l'adorent. Bref, on en reparle. Ouais. Oula. Ce soufflet est un péché du ciel. Elle voit passer Vanessa Paradis qui file vers le fond du restaurant accompagnée d'un inconnu de petite taille. Vanessa ! Anne-Sophie. Vanessa, ma chérie, tu m'accordes une minute ? Bien sûr. Tu sais ce qui se passe ? C'est gravissime. Un procès. On fait un procès à notre Stan. Non. Il est à peine sorti de son cauchemar qu'un autre recommence. Tu te souviens de Baudelaire, de la générale au pic ? Aujourd'hui, la générale est canadienne et Baudelaire s'appelle Norvid. Tu me suis ? Un peu. Les éditions du BAC vont lancer une pétition. On nous fait un procès et nous, on riposte. On en appelle au peuple, aux élus, aux médias. On attaque les attaqueurs. On va sur le terrain, on se bat. Pour la liberté, les artistes et la beauté. Et ça ne va pas énerver les juges ? C'est ce que dit Julien. Moi, je dis qu'il faut vendre. Et ce qui fait vendre, c'est le barouf. Donc, on fait du barouf. J'ai pas déroulé du câble en vain. 37 salons du livre, madame. Et aujourd'hui, ça s'appelle Paris Livre. Je suis avec vous, Anne-Sophie. Je signe ce que vous voulez, vraiment. Excusez-moi, il faut que je passe un coup de téléphone. Moi aussi, je suis à la bourre. J'ai rendez-vous. À très vite. On se mobilise. Ils ont détruit Palmyre et n'auront pas Norvid. Vive la liberté. Je vous embrasse, Anne-Sophie. Les temps sont durs. Je vous embrasse. Je mettrai une bougie pour Stan. ...9h du matin, aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Bianca Mars a débarqué de son avion en provenance de Montréal. Malgré le décalage horaire, et bien qu'elle ait voyagé toute la nuit, la jeune femme apparaît fraîche, sexy, en pleine forme, pour ne pas dire tout à fait d'attaque. Aussitôt après avoir passé la douane, elle est assaillie par les journalistes, mitraillée par les photographes. Bianca, par ici, s'il vous plaît, par ici, va sourire, s'il vous plaît. Bianca, non, avez-vous les preuves du plagiat de Stanislas Norvid? Vous demandez l'interdiction du livre? Êtes-vous une ennemie de la littérature française, mademoiselle Mars? Qu'est-ce qu'il raconte? Écoutez, ne répondez pas, Bianca, c'est un piège. Je ne comprends vraiment pas comment ils ont été prévenus. Agissez-vous par défi amoureux. Écoutez, messieurs, ça suffit, laissez passer ma cliente. Venez, Bianca. Stanislas Norvid, a-t-il été votre amant, mademoiselle? Écoutez, je vous en prie. Un peu de liberté. Juste un mot, mademoiselle Mars. Pas de déclaration. Vive la France libre. Voilà, allez, merci. Grâce à l'intervention de la police, Bianca Mars et son avocat parviennent jusqu'au taxi. Bah écoutez, je suis désolé pour cet accueil, Bianca. Voyons donc, c'était sensationnel, là. J'ignore complètement comment ils ont su que vous arriviez par cet avion, mais alors... En tout cas, je vous assure que je n'y suis pour rien. Oh, besoin de le voir sur mon compte Twitter. Ah, vous n'auriez pas dû faire ça, Bianca. Nous devons laisser la presse en dehors de... Bah, faut bien que les gens soient au courant. Écoutez, pour l'instant, je tiens à ce que vous restiez concentrés sur l'audience du référé. Hein? Or, les juges français sont très sensibles à tout ce qu'ils considèrent comme des tentatives de manipulation par les médias. Non, mais très, très, très sensibles. Oui, il faut faire bonne impression dans ce genre d'affaires, c'est essentiel. Tu trouves-tu que j'ai fait mauvaise impression ? Non, mais ça n'est pas ce que je veux dire. Vous ne devez surtout pas parler à la presse. Bah, à qui je parle alors ? À moi ? Ah. À moi ? Non, rien qu'à moi. Si vous avez une question, vous me demandez. Dis, t'as-tu vu comment l'euro dégringole? Pardon? Bah, a perdu 10% en une semaine. C'est une dinguerie, là. De 10%? Va falloir demander une majoration. Mais de quoi parlez-vous? Bah, à ce rythme-là, mes 200 000 euros vont plus rien valoir. Ah, mais vous savez, Bianca, il y a peu de chances que nous obtenions 200 000 euros. C'est pas ce qu'on a demandé? Si, bien sûr, mais c'est une demande très, très, très, très, très forte, destinée à marquer, en quelque sorte, notre degré d'indignation. Hein? La justice n'accorde jamais les dommages et intérêts que demandent les plaignants. Et pourquoi ça, là? Ah, c'est la jurisprudence. Puis combien vont-ils nous donner? Écoutez, il faut d'abord gagner ce procès. Hein? Je ferai tout pour que vous obteniez le maximum, Bianca. Mais ça ne sera peut-être pas... certainement pas... Enfin, on verra. Il se peut aussi qu'on trouve un accord avec l'éditeur. En dollars, alors? Qui me paye en dollars canadiens? Oui, bon, écoutez, la première chose à faire, c'est vous reposer. Vous devez être épuisé après ce voyage. Oh, pas pantoute, je pète le feu, là! Je vais vous déposer à votre hôtel. Ah non, on passe d'abord au salon. Quel salon? Paris Livre. Qu'est-ce que vous voulez faire là-bas? À suivre. Mars attaque. Ou les cinq jours qui ébranlèrent le salon du livre. Un feuilleton d'Iris Dreyer. Premier épisode. Avec Vincent Grasse, Olivier Cruveillé, Christiane Coindy, Pascal Collin, Pierre-Félix Gravière, Noémie Landreau, Thibaut de Montalembert, Guylaine Londez, Léonie Pinjot, Mustapha Abourachid. Et les voix de Nicky Marbeau, Pascal Loison, Cyril Labbé, Tariq Bétard, Margaret Zenou. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Pierre Mine, Manon Houssin. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, Cédric Ossier.